بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله si il y a pas de son ou si jamais il y a un problème dans la diffusion du cours qui est en direct, n'hésitez pas à me le faire signaler sur Mixeller, car c'est le seul moyen que j'observe en donnant le cours. Donc, aujourd'hui, le mercredi 8 Muharram de l'année 1445 de l'Hégire, correspondant au 26 juillet 2023, j'ai le plaisir de vous retrouver afin de poursuivre ensemble cette série qui traite l'athéisme, ce phénomène qui commence à se propager de plus en plus et qui use de tous les moyens pour propager ses idées. Hier, après cette introduction, brève sur l'athéisme, et le but de ce cours, c'est de ne pas détailler les différentes écoles philosophiques sur lesquelles s'appuie l'athéisme, ou de connaître les différents courants, mais d'une manière générale, comme j'avais expliqué hier, car la finalité de tous les athées, quelle que soit leur école, leur tendance, leur courant, la finalité est la même. C'est le reniement du Créateur omnipotent, du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'il soit athée ou comme ils disent agnostique, ceux qui prétendent qu'on ne peut pas savoir est-ce que Dieu existe ou pas, la finalité est la même. Et comme j'avais mentionné également hier, parmi les choses axiales sur laquelle s'appuie l'athéisme, c'est bien évidemment la théorie de Darwin. Et nous allons voir, avec des raisonnements simples et clairs et qui sont en parfait accord avec la raison saine et la science moderne, que cette théorie comporte énormément de lacunes et énormément de failles, et qu'elle représente une forme de sophisme, c'est-à-dire une argumentation qui s'appuie sur des prémices vraies ou même faux et qui aboutit à une conclusion absurde. Donc ça comporte plusieurs raisonnements viciés et ça s'oppose à des axiomes innés et des faits incontestables. Et nous allons voir également, avec la permission d'Allah, que cette théorie est plus fragile que la toile d'araignée. Mais quelqu'un est en droit de se poser la question, comment ça se fait qu'une théorie représentant autant de lacunes et de fragilités et très loin du raisonnement scientifique, comment elle a été propagée autant? Et ça, je l'avais mentionné également hier. Cette théorie est enseignée dans les écoles aux enfants en bas âge afin qu'ils grandissent avec et que ça leur paraît par la suite comme une vérité scientifique et comme un point indiscutable. C'est pour ça qu'il y en a qui sont arrivés au degré que quand tu remets en cause cette théorie, ils t'accusent de folie ou d'ignorance. Et comment tu t'opposes à toute la communauté scientifique, d'après ce qu'on leur a fait comprendre, qui est d'accord sur la théorie et sur sa véracité. Et ça, c'est des points qui sont faux. Est-ce qu'il peut y avoir des scientifiques corrompus? Bien évidemment que oui. Est-ce que tous les scientifiques sont d'accord sur la véracité de cette théorie? C'est rare de trouver des scientifiques, proprement dit, qui acceptent cette théorie. Donc, la théorie de Darwin, et à chaque début de cours, je vais essayer de mentionner quelques points qui vous aideront à comprendre ce que c'est l'athéisme. Et que même beaucoup de personnes qui soutiennent l'athéisme ignorent. Même beaucoup de personnes qui prétendent être des athées ignorent. Pourquoi? Tout simplement parce que l'athéisme moderne, il ne s'adresse pas à des intellectuels, à des gens qui se donnent la peine de vérifier les choses avant d'y adhérer et d'y croire. Ça s'adresse à la masse des gens qui acceptent ce qui est propagé dans les médias qu'ils ont l'habitude d'écouter. Ces éléments que je vais citer en début de cours, qui peuvent avoir un lien direct avec le sujet qui sera abordé ou pas, sont des éléments choquants. Dans la majorité d'entre eux, ils seront choquants pour vous de les entendre et de penser qu'il y a des humains qui réfléchissent de cette manière et qui raisonnent de cette manière. Les athées qui nous parlent d'avoir des moralités, une éthique, en dehors de leur foi, ont un créateur transcendant, un juge suprême. Et sans avoir foi en la vie après la mort, ni au jugement, ni à la rétribution. Ils prétendent qu'ils peuvent arriver à ces choses-là sans avoir cette foi. On est en droit de leur poser trois questions à ces gens-là qui tiennent ce discours. Bien évidemment, les scientifiques et ceux qui connaissent vraiment l'athéisme, ils ne disent pas ça. Ils ne disent pas qu'ils ont des moralités. Ils ne croient pas en l'existence de quelque chose qui s'appelle moralité ou immoralité, valeur humaine. Ils ne croient pas en tout ça. Ça, c'est ceux qui suivent ce courant en connaissance de cause. Mais c'est pas le cas de la majorité des athées de la planète. L'athéisme, il se propage surtout en Europe. Aujourd'hui, 18% de la population européenne est athée. Et il y a plusieurs phénomènes qui ont facilité la propagation de cette dérive qui s'oppose à toute chose. L'athée, il est en contradiction avec toute chose, à commencer par lui-même le premier, à commencer par sa nature humaine saine, à commencer par son instinct, ses intuitions, ce qu'il voit autour de lui. Toutes les créatures qui l'entourent, il est en parfaite contradiction avec tout cela. Donc, quelqu'un qui prétend être un athée et en même temps avoir des moralités et une éthique humaine, on est en droit de lui poser trois questions. La première, pourquoi déjà tu vas avoir une bonne moralité? Pour quelle raison tu vas avoir une bonne moralité? Et pourquoi tu vas te priver d'une chose dont tu as envie? Pour quelle raison tu vas agir ainsi? La deuxième question, quel est le critère de ces bonnes moralités que tu prétends avoir et que tu vas respecter? Et quel est leur critère? C'est quoi le critère du bien et du mal pour toi? Et tu te bases sur quoi pour avoir ces critères? car l'athée prétend que la moralité est quelque chose de relatif. Ce qui est un bien pour Hitler, c'est peut-être un mal pour une autre personne. Pour lui, la moralité est quelque chose de relative. Il n'y a pas de moralité absolue. Car si tu dis qu'il y a une moralité absolue, forcément, tu dois reconnaître le juge suprême qui a instauré cette moralité absolue. Un créateur absolu. Et ça, bien évidemment, quand on s'adresse à des gens qui réfléchissent. Et qui ont un raisonnement rationnel. Amma quelqu'un qui se contredit en une phrase 10 fois, c'est pas à celui que nous adressons. Nous adressons à des gens qui réfléchissent et qui usent de leur intelligence et qui raisonnent. La troisième question qu'on est en droit de lui poser, c'est de lui annoncer qu'il est dans une incohérence totale avec sa foi en l'origine de ce monde. Je m'explique. Pour lui, le monde est issu de la matière. Le monde, tout ce qu'on voit autour de nous, le monde de la plus petite chose qui existe, qui sont les quartz, jusqu'à la plus grande qu'on connaît, les galaxies. Et dans notre univers, ils estiment que le nombre de galaxies est supérieur à 2000 millions de galaxies. Et nous, on est en une seule galaxie. La galaxie dans laquelle il y a le Soleil et la Terre. Donc, pour lui, tout est issu de la matière. Tout est molécules et atomes, sans plus. Et en plus, cette matière, elle est gérée par des lois extrêmement sévères et dures, où il ne reste que le plus fort et le plus apte et le plus adapté. Il n'y a pas de place pour les faibles et les démunis. Ils sont tous voués à la disparition. Et cette matière, en plus, elle est neutre. Elle est neutre face aux valeurs humaines et aux bonnes moralités. Donc, il est dans une contradiction totale avec l'athéisme. C'est pour ça qu'ils disent qu'il n'y a pas de vrai athée sur Terre. Il n'y a pas d'athée qui est en cohérence avec son athéisme. Parce que quand bien même l'homme, il peut essayer de devenir comme un animal, il n'arrivera jamais à devenir comme un animal. Même le pire des criminels, le serial killer, le plus méchant de tous les hommes, quand il fait un mal, il a un sentiment de culpabilité. Il sait au fond de lui qu'il a fait un mal. Quand bien même il peut essayer de se mentir à lui-même, de mentir à son entourage, mais par celui qui m'a créé, au fond de lui, il a une notion du bien et du mal. D'où vient cette notion? De la matière, l'athée, qui en cohérence avec l'athéisme, il dit, il n'y a pas de notion du bien ni de mal. Tout est relatif. C'est pour ça, pour lui, ce que les plus grands criminels font, en réalité, c'est un comportement naturel. Et ça, nous allons le comprendre par la suite. Parmi ceux qui ont parlé de ce sujet et dont je vais rapporter des citations. Le premier, c'est Richard Taylor, qui est un athée spécialisé en éthologie ou ce qu'ils appellent la déontologie, la science qui traite l'éthique et le comportement. Dans son livre Ethics, Faith and Reason, il prétend qu'on ne doit pas juger les actes de l'homme du point de vue de la moralité et des valeurs. Pourquoi? Car l'homme n'est qu'un animal, comme les autres animaux. Et de la même manière, quand on voit un animal mettre fin à la vie d'un autre animal, est-ce qu'on va dire qu'il a commis un crime ou que c'est un meurtrier et qu'il doit être jugé et passé par un tribunal? C'est pour ça d'ailleurs il n'y a pas de tribunaux chez les animaux. Donc l'homme n'est que le produit d'une évolution darwiniste. C'est pour ça on doit dire que ses actes sont des comportements tout à fait naturels. Car l'homme n'est qu'un animal comme les autres animaux. Et tous les athées s'accordent sur ce point. Je ne parle pas des suiveurs qui ne savent pas ce qu'ils suivent. Je parle de ceux qui font des livres et des ouvrages dans lesquels ils expliquent les fondements de l'athéisme. Tous, ils s'accordent sur ce point. L'homme est issu de la matière. C'est un animal comme les autres animaux. C'est qu'il est semblable à son cousin, le singe, d'après eux. Il n'y a pas de différence. Donc, c'est pour ça qu'on doit dire que tous ces comportements sont des comportements naturels. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on doit, d'après eux, c'est pour ça qu'on doit changer les termes avec lesquels on décrit ces actes-là. On ne doit plus appeler un meurtre un meurtre. Ou quelqu'un qui viole une femme ou il viole un homme, parce que pour eux tout est pareil. Ou quelqu'un qui vole, on ne doit plus décrire ça, car cette description, ça part déjà d'une notion de bonne moralité. Et que ça, c'est mauvais. Alors que c'est un comportement tout à fait naturel. De la même façon, quand un aigle pêche un poisson, est-ce qu'il y a un homme qui dit qu'il a tué le poisson? C'est un meurtrier, c'est un criminel. Il doit être jugé pour son acte? Non. Et si un autre aigle vient lui voler le poisson? Moi, j'ai utilisé le terme voler, mais eux, ils disent pas voler. Si un autre aigle, il vient lui prendre son poisson qu'il a pêché, est-ce qu'on va appeler ça un vol? Non, tout simplement, il lui a pris le poisson. Le plus fort et le plus habile a dominé. Donc, on ne doit plus appeler ça vol, ni meurtre, ni quand un homme agresse une femme et la viole, ça ne doit pas être appelé viol. Ça doit être appelé, selon eux, un homme qui a joui sans le consentement de l'autre, tout simplement. Et un autre parmi les têtes de l'athéisme qui s'appelle Randy Turnhill, il dit, qui est un entomologiste, yani parmi ceux qui étudient le monde des insectes, il dit, on doit voir le viol tout simplement comme le cou de la girafe et la peau rayée du tigre. Les motifs qu'il y a sur la peau du tigre. Car c'est le même phénomène naturel. C'est la même évolution darwiniste. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'il voit les choses. C'est comme ça que les athées, qui sont en cohérence avec leur athéisme, voient les choses. C'est pour ça que quelqu'un qui vient, il dit « Moi je suis athée et j'ai une bonne moralité, je ne vole pas, je ne fais de mal à personne », on lui dit « Toi tu n'as rien compris à l'athéisme. Toi tu es un mélange, un panaché de religion et d'athéisme. Tu prends de l'athéisme ce qui t'arrange. Tu veux juste ne pas te soumettre à ton créateur. Et tu t'appuies sur cette théorie, sur cette croyance, sur cette religion, qu'on peut appeler religion également, tu t'appuies sur ça pour sortir de la soumission à celui qui t'a créé. Et c'est pour ça que j'ai dit, l'homme ne peut jamais devenir un animal. L'homme ne peut jamais devenir comme un animal, quand bien même il se force à le faire. Forcément, il a une conscience. Il a une notion du bien et du mal en lui. Ça, c'est une prédisposition sur laquelle il a été créé. Il a été créé ainsi. Et un homme, quand il aide une personne démunie, il n'aura pas le même sentiment que quand il la tue. Sauf si c'est quelqu'un qui a perdu sa raison et qui est complètement fou et qui n'est plus responsable. Et d'ailleurs, ce phénomène de cette responsabilité humaine qu'on a en nous, c'est quelque chose que l'athéisme ne peut pas expliquer et ne pourra jamais expliquer. Comment cette responsabilité est venue de la matière? Et eux, par contre, pour eux, l'homme, c'est un animal. C'est pour ça qu'on n'a jamais vu un lion culpabiliser après avoir dévoré un petit agneau ou une gazelle innocente. Au contraire, quand on voit un phénomène inverse, ça arrive des fois dans la nature de voir un lion qui prend soin d'un animal qui peut manger. Et c'est ça qui nous étonne. C'est ça qui nous étonne. Car le phénomène naturel, c'est que l'animal dévore ses proies. Et l'homme, il doit être ainsi pour eux. L'homme, c'est un autre animal, comme les autres animaux. Il n'y a pas de différence entre les deux. Un autre, peut-être on va terminer avec celui-là, qui s'appelle Peter Singer. C'est un Practical Ethics de l'université de Cambridge. Il dit, et ça peut-être c'est le texte le plus choquant, il dit, ça c'est des universitaires, c'est ceux à qui ils permettent d'accéder à ces grands postes dans les universités. C'est des gens qui ont des croyances comme ça. Il dit que la vie d'un nouveau-né a moins de valeur que la vie d'un cochon ou d'un chien ou d'un chimpanzé. Pourquoi? Tout simplement car l'homme est comme n'importe quel autre animal dans la doctrine de l'athéisme. Sa valeur est proportionnelle à son profit matériel. Le profit qu'il apporte. Quand le chien ou le porc ou le chimpanzé apporte plus qu'un nouveau-né, plus qu'un bébé humain, alors à ce moment-là, forcément la valeur de ce bébé est moindre que la valeur de ce chien et de ce porc et de ce chimpanzé. C'est pour ça, peut-être je vais citer encore un dernier qui s'appelle James Rachels. Ce dernier-là, il dit, dans le même sens de celui qui l'a précédé, mais lui, il est encore plus explicite. Il dit il est de l'université d'Oxford, celui-là. Son livre, The Moral Implication of Darwinism. Les implications morales du darwinisme. Il dit, en parlant des personnes qui ont un handicap mental, il dit, qu'est-ce qu'on doit dire d'eux? Il se pose la question. Qu'est-ce qu'on doit dire de ces gens-là? Ensuite, il poursuit en disant que le résultat naturel, selon ce que nous sommes en train d'étudier, c'est-à-dire la théorie de Darwin, c'est que leur statut est égal au statut des animaux. Et peut-être qu'on devra pousser encore plus les études pour arriver à la conclusion suivante, qu'on peut les utiliser comme nous utilisons les autres animaux non humains. Comme on utilise des rats, des lapins, comme des cobayes dans les expériences des laboratoires, on peut les utiliser également. Car ce sont des gens qui ne sont pas productifs pour la société. Donc, il n'y a pas de mal pour lui de les utiliser comme ça. Il dit, ou les utiliser comme une nourriture. C'est incroyable des gens qui osent tenir des discours comme ça. Et ça passe, tout le monde applaudit, tout le monde accepte. C'est-à-dire qu'on peut manger ces personnes ayant un handicap mental, car ils ne servent à rien. Ils ne produisent rien. Ils ne font que consommer. Et ça, c'est la même vision vis-à-vis des personnes âgées. C'est la même vision dans l'athéisme vis-à-vis des personnes âgées. Et compare ces choses-là aux notions auxquelles a appelé la religion de l'islam. Donc, comme j'ai dit par rapport à la théorie de Darwin, après son long voyage au bord du navire de Beagle, il a eu cette idée en constatant que les animaux évoluent progressivement. Il a eu cette idée que toutes les créatures qu'on voit autour de nous ont une origine commune. Et il a développé cette théorie qui se base sur les deux points fondamentaux, à savoir la mutation aléatoire et la sélection naturelle. Il faut constater que cette théorie n'est pas quelque chose qu'on puisse tester. C'est une simple hypothèse et c'est un rêve qu'ont les athées depuis longtemps. Et elle n'est basée que sur des imaginations erronées et des hypothèses illusoires. Quand on voit que sur Terre, nous avons plus de 3 millions d'espèces, toute cette grande diversification dans la création. Et la science ne rend cette théorie que encore plus fragile et plus faible. C'est pour ça que la théorie de base a été complètement abandonnée. Malgré qu'elle est encore enseignée dans les écoles, là, la théorie de base, comme l'a vu Darwin, elle a été abandonnée. Un athée qui s'appelle Michael Dalton a dit « La théorie de l'évolution se trouve dans une véritable crise. Car cette théorie, elle n'est pas semblable à une nourriture qu'on a préparée et qui n'est pas encore prête. Cette théorie, en réalité, c'est une nourriture qui n'a même pas été encore préparée et cuisinée et qu'on veut que les autres la mangent. C'est-à-dire on veut que les gens la mangent crue. Et parmi les points de faiblesse de cette théorie, malgré la grande propagande autour de la théorie, c'est qu'elle avance des choses qu'on ne peut expérimenter, ni tester, ni observer. Vous imaginez? Cette théorie présente des éléments qui ne peuvent être testés, ni expérimentés, ni observés. C'est pour ça, les évolutionnistes, ils ne pourront jamais présenter un seul exemple d'évolution comme eux ils le décrivent. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils critiquent les religieux de suivre des choses qui n'ont pas été testées, ni prouvées, ni observées. Alors que eux, comme vous l'avez vu ici, ils suivent des choses qu'on ne peut expérimenter. Et ça va être clarifié petit à petit. Donc, quelle est la preuve scientifique et expérimentale que l'élément qu'on a en face de nous, ou la créature qu'on a en face de nous, a été sélectionnée naturellement? Quelle est la preuve qu'elle est restée vivante pendant sa sélection? Pourquoi sa survie ne soit pas due à une autre raison? Pourquoi sa survie ne soit pas due à une autre raison que la sélection naturelle que vous prétendez? Également, quand ils prétendent qu'il y a eu des mutations aléatoires, et comme Darwin lui-même l'a dit, il faut qu'on trouve des fossiles avec les étapes intermédiaires. C'est pas possible qu'on ait passé de la cellule unique, l'origine, qui est l'origine de toutes les créatures, c'est pas possible qu'on ait passé de cette phase-là à la phase du lion ou du tigre ou de l'aigle. Forcément, selon Darwin, il y a eu des étapes intermédiaires. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais pu trouver des fossiles avec une seule étape intermédiaire. Un autre exemple ou une autre lacune, c'est ce qu'ils appellent la mutation. La mutation n'a pas d'exemple dans la nature. Il n'y a pas un exemple, un seul, de la mutation comme eux, ils la définissent. Et non pas comme ils viennent raconter aux gens sur les plateaux de télé. L'oiseau avait un bec plus large, après il est devenu petit. C'est pas ça la mutation de laquelle parlent les darwinistes. La mutation, c'est de passer d'une espèce à une autre. Nous affirmons l'existence d'une évolution dans la même espèce. Ça, c'est quelque chose visible et observable. Un homme, quand il naît comme un nourrisson, bébé, enfant, adulte, homme, vieil homme, et ainsi de suite. Il évolue. Mais ça, c'est une évolution dans la même espèce. Eux, quand ils parlent de l'évolution, c'est entre les différentes espèces. Et ça n'a pas un seul exemple dans la nature. Également, la présence de membres, quand on voit l'homme par exemple, l'homme, si on parle de l'homme et des différents systèmes dont il est doté, le système respiratoire, le système immunitaire et les différents systèmes, yani le fonctionnement du cœur, le fonctionnement des poumons, le fonctionnement du pancréas, et ainsi de suite, ce sont des systèmes extrêmement complexes et extrêmement minutieux. Et si on veut prendre un exemple d'un membre, prenons l'exemple de l'œil. L'œil que Darwin lui-même a dit, l'œil, il a dit, ce qu'il me paraît, et je le reconnais, que l'œil n'a pas pu, yani n'est pas le fruit d'une évolution. Et que la raison saine ne peut admettre cela. La raison saine, selon Darwin, ne peut pas admettre que l'œil est le fruit d'une mutation aléatoire. L'œil, si on veut parler de l'œil, il nous faut minimum un cours pour avoir une idée générale de ce que c'est l'œil. Il a dit ça dans son livre « L'origine des espèces », page 293. c'est pas possible que l'œil soit le fruit d'une mutation aléatoire. Et Darwin, dans son livre, il a émis des doutes dans plus de 800 passages. Dans son livre, il a émis des doutes par rapport à la véracité de sa théorie dans plus de 800 passages. Et comme on a vu hier, Darwin a dit qu'il n'a jamais prétendu que sa théorie était pour renier l'existence d'un Dieu créateur. Et qu'il n'y a pas de contradiction, soi-disant, entre sa théorie et l'existence du créateur. Donc, si on regarde l'œil, rien que l'œil, cet organe extrêmement complexe, et il faut savoir que la science moderne n'arrive à expliquer que très peu de choses dans le corps humain. On parle que du corps humain. On va pas sur la planète Terre ou notre galaxie ou encore moins l'univers. On parle que du corps de l'être humain. Allah Azza wa Jal nous dit Alam naj'al lahu 'aynayn. Nous l'avons pas doté de deux yeux. Allah nous rappelle ce bienfait immense qui est le fait d'avoir un œil. Comment se nourrit l'œil? Il faut savoir que l'œil se nourrit d'une manière complètement différente du reste des membres du corps. L'œil possède, dans l'œil, il n'y a pas de vaisseau sanguin. Il n'y a pas de vaisseau sanguin à travers lesquels se nourrit le reste des membres du corps. L'œil, elle se nourrit d'une manière différente. Car si jamais il y avait ces vaisseaux sanguins, ce qu'on appelle les capillaires, ils auraient empêché la vue. Ils auraient empêché la vision. Mais elle a un système spécifique pour se nourrir. Donc, quand tu vois la cornée de l'œil et son fonctionnement, et tu vois aussi l'iris. L'iris, scientifiquement, il est prouvé que chaque être humain est doté d'une iris spécifique. C'est une forme d'empreinte. C'est pour ça aujourd'hui, c'est utilisé comme une empreinte, de la même manière que l'empreinte sur le doigt. Chacun de nous a un iris ou une iris spécifique à lui. Également la rétine. La rétine, dans chaque millimètre carré de notre rétine, nous n'avons à peu près 100 millions photorécepteurs. Dans chaque millimètre carré de notre rétine, nous avons à peu près 100 millions photorécepteurs. Et ça, c'est pour la précision et la clarté de la vision. Et l'œil humain arrive à distinguer entre 8 millions de couleurs. Et cette rétine qui est composée de photorécepteurs qui sont de deux catégories, des cônes et des bâtons, bâtonnets, des cônes et des bâtonnets, qui permettent de voir en jour comme en nuit, comme de nuit. Il y en a qui s'activent dans la journée pour améliorer la vision, qui sont les cônes, et les bâtonnets s'activent de nuit. C'est pour ça que tu peux voir même dans la nuit, même quand il y a très très peu d'éclairage. Également, l'eau que nous avons dans notre œil est composée d'une matière spécifique. Une matière qui ne se congèle pas. Yani, anti-gel. Cette matière, elle est anti-gel. Quand bien même l'homme un homme, même si on suppose qu'il est dans le pôle nord, alors l'eau qu'il y a dans l'œil ne va pas se geler. Sinon, il ne pourrait plus voir. Et si on regarde aussi la lentille, ce qu'on appelle le cristallin de l'œil, les différents muscles qu'on a dans notre œil, l'œil, cette petite sphère de diamant, cette petite sphère d'un diamètre de 2,5 cm et d'un poids de 8 grammes, qui contient des nerfs optiques, et ces nerfs optiques, ils réalisent des réactions chimiques qui permettent de transformer les rayons de lumière en un courant électrique. Et subhanallah, ces nerfs-là, ils sont couverts comme des câbles par une matière isolante, car ils vont dans le corps et pour que le courant ne sort pas dans le corps. Ils sont couverts d'une matière isolante et qui communique les messages nerveux. Yani, ces messages qui correspondent à des messages codés. Et après un long processus, les résultats sont reçus par une partie du cerveau spécialisée. Il y a une partie qui est pour analyser le mouvement, une autre partie pour analyser les couleurs et une autre pour analyser les formes. Et ensuite, le cerveau réalise une interprétation générale de toutes ces informations et c'est ça qui donne la vision. Donc, pour voir une seule image, tous ces phénomènes-là se passent dans l'œil de l'être humain. C'est pour ça Darwin lui-même, il a reconnu que c'est pas possible de dire que l'œil est le fruit d'une mutation aléatoire. Et ça, c'est un seul exemple. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter sur ce point et nous continuerons demain, avec la permission d'Allah, sur d'autres points et d'autres lacunes que représente la théorie de Darwin. Comme j'ai dit, c'est un point axial sur lequel s'appuie cette croyance corrompue, qui est l'athéisme. Je demande à Allah de nous permettre de voir la vérité comme telle et de nous accorder la sincérité dans notre quête de la vérité et de vouloir uniquement la vérité. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته